Dans votre carnet de philosophie, Géraldine, vous voulez nous raconter que vous avez suivi l'arrivée des convois de la liberté à Paris. J'ai été condamnée à les suivre, enfermée chez moi pour cause d'enfants malades et entre deux prises de température. J'étais donc en train d'assister à la fièvre qui n'agitait pas moins les plateaux télé. Je pense d'ailleurs que si ma fille née au moment des gilets jaunes va un jour chez un psy, elle trouvera la clé à tous ses traumas dans ses heures baignées malgré elle par les chaînes d'info. Rond-point, blocage, carburant, anti-vax formeront peut-être dans sa psyché autre chose qu'un moment de l'histoire, et parmi ceux-là, le mot liberté aura peut-être lui aussi une résonance bien différente de toutes celles qu'on lui a données depuis quelques jours. Enfin, toutes celles, disons surtout de deux. D'un côté, la liberté, celle revendiquée par les convoyeurs, qui ne devraient connaître aucune limite, ni de mouvement, ni de droit, ni de raisonnement, et de l'autre, la liberté, celle opposée au convoi, qui ne la pense véritable que si elle est encadrée par des droits, des responsabilités, les autres, autrement dit, par des limites. Soit l'opposition entre la vision libertaire et la vision déterministe de la liberté. Voilà, et voici qu'en quelques jours s'est rejoué le match si classique entre ces deux conceptions de la liberté, les deux d'ailleurs persuadés d'avoir raison. Car c'est bien le paradoxe dès qu'on parle de liberté, chacun est finalement assez libre de son interprétation, et puis chacun joue pourtant son rôle. Les uns étant sûrs de revenir à son sens fondamental de la liberté, les autres étant sûrs aussi d'ailleurs de soutenir ce qu'il faut entendre légitimement par liberté. Les premiers, par exemple, disant aux seconds qu'ils sont aveugles et aux ordres du pouvoir. Les seconds répondant aux premiers qu'ils sont idiots ou teubés. Je reprends ici un des mots les plus employés ce week-end sur Twitter. Les deux ont toutefois raison sur une chose, ils illustrent parfaitement ce que disait Spinoza de la liberté. Les hommes se trompent en ce qu'ils croient libres. Et cette opinion consiste en cela seul qu'ils ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes par là où ils sont déterminés. Ce qui constitue donc leur idée de liberté, c'est qu'ils ne connaissent aucune cause de leurs actions. Alors là, toutes mes excuses, Guillaume, j'ai mal écrit la citation. Donc c'est la ça, première parce que j'ai l'impression, voilà, j'ai toujours trouvé que Spinoza était difficile, mais là, donc je reprends la première phrase. Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres. Vous avez entendu ? Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres. Alors personnellement, pour ma part, je n'ai jamais trop aimé ce que disait Spinoza de la liberté, mais il faut quand même reconnaître que cette citation, elle claque, littéralement, et que ça a l'avantage de mettre tout le monde au même niveau, niveau qu'on pourrait résumer ainsi, arrêtez de parler de liberté, de toute façon, vous n'y connaissez rien. C'est un petit peu réducteur de dire cela, Spinoza est quand même un peu plus profond, on espère. Alors tout à fait, j'imagine que si on lit l'éthique de Spinoza, on en sait un peu plus sur les causes qui nous déterminent, mais que du coup, on se sait juste déterminé et donc pas libre, et on en vient alors assez naturellement à ce problème, à quel moment peut-on être véritablement libre si soit on se trompe, soit on sait qu'on est déterminé ? Eh ben, jamais apparemment. C'est d'ailleurs pour cette raison que Spinoza a quelque chose de frustrant, c'est qu'il nous met forcément dans l'impasse, mais il permet au moins de poser la bonne question. Faut-il en finir avec la liberté, ou du moins avec l'idée de liberté, avec l'opinion de liberté. Faut-il arrêter, non pas d'essayer de connaître ce qui nous détermine, mais de parler liberté, de se libérer au fond de l'idée de liberté? Eh bien, pourquoi pas? Ça éviterait de tomber dans tous les cas, dans la grandiloquence qui aveugle, dans les débats absurdes, dans les critiques rapides et dans la raillerie généralisée et vraiment gênante à laquelle on a assisté ce week-end. Ça éviterait surtout de mettre un grand mot qui n'élève, hélas, rien par lui-même.